Wesh la famille. Hein? Wesh ta mère, moi, n'est-ce pas? Wesh la famille. Vas-y, vas-y. Wesh. Wesh. Wesh. Wesh. Un jour passe et se ressemble, les tours cachent l'horizon, les spliffs tournent, rassemblent, on fait ses classes dans les cours de prison, les sauces, la famille, disons que les grosses liasses stimulent, enterre les amis, souvent on y passe, mais la vie continue, un putain de vice peut en casser un autre, il dissimule sa haine, la rhum, elle, la rue, lui a déjà pris un fils, le daron, il parle comme il colle, mais à force, on s'habitue, ça pue le coup, tu tubes, le cœur béton comme un bout de bitume, et tu le tends. À moins que ce soit le contraire, avec ses confrères dans le crime, tombe dans tous les pièges que la rue tend. Gratte de trois rimes de quartier sur les Schmitt et l'État enragé une moitié du temps. Et l'autre pété au shit, il a des rêves pourtant. Des envies d'exil, guette la carte du monde, relit les lettres de son frangin au placard. Ça dit le vrai luxe, c'est être libre, l'homme est pas fait pour la cage. Personne n'est parfait comme leur dernier braquage. Alors il gamberge en nage allongé sur son lit superposé. Pense à changer de berge, les yeux explosés. Il pense. Ouais, c'est qui là? C'est moi mon frère, hey, descends tout de suite là, descends, ouais, c'est chaud. Sur les quais, putain, quand? Fils de pute. Là, là, t'as l'air mon pote, c'était là, ils ont ah ouais? Viens dans le sol là, tout de suite, t'es capable, hey, vas-y, Charlie se lève, prend son sous le lit, enroulé dans une veste. Sourit à sa mère, lui fait un geste de la main. Claque la porte, rejoins le reste de l'équipe. Les potes, ça s'engraine, les voix porte. Putain, mais on sait où ces putes prennent la daronne. Guette par la fenêtre, regarde son fils partir cette nuit. C'est la dernière fois qu'elle entendra parler de lui. Qu'on se déteste, l'âge où le seul avis qu'on ait, c'est celui des autres, tous dans le même navire. Elle était cool avant que sa rhum perde les os. Tout s'écroule quand ses parents divorcent. Les coups, les rapports de force, plus personne à l'écoute, qu'à plus de réseau. Adolescence meurtrie, cicatrice ambulante. Le cœur blessé prend le premier petit convenu pour une ambulance. Une vie stressée sans but, sans tarder. Elle donne son petit corps à qui sait la regarder. Encore, c'est une grande pute, la vie elle assemble. Putain de souvenirs, elle se rappelle des nombreuses visites nocturnes de papa dans sa chambre. Et elle fugue, fait le mur en rage, déjà mûr avant l'âge. Attends le SAMU, après l'orage, ça ne peut qu'être mieux. Elle tombe accro d'un raclot plein de promesses, tout est ok. Jusqu'au jour où elle lui annonce qu'elle est cloquée. Le jour de ses 18 piges, tout est noir. Ce soir de décembre, on l'a retrouvée dans sa baignoire, baignant dans son sang. Gorgé d'alcool, encore un cachet. Chargé le guette, son visage déformé dans la glace brisée. C'était le fils sage. Désormais, ces putains de démons suivent à la trace d'un monde aseptisé. Poussé à réussir très tôt, à viser le top, à vivre les rêves de ses parents. Leur veto, il en crève, gosse transparent, éternel, premier de la classe. Tout part en couille et se casse, personne n'a rien vu venir. Il se fracasse, la tête contre les murs. Passe la plupart du temps seul devant sa glace. Genre, c'est à moi que tu parles. Génération X, héritier de la violence des aînés. Une étincelle sur une traînée de poudre qui voulait juste être aimé des années. Kiffé sur une fouffe qui s'en branle, l'étouffe, il s'en prend à Dieu. Pris le diable, t'imaginant à deux dans le gouffre. Il a des pulsions son meurtrière et veut sortir des ténèbres. Le souffre-douleur d'hier deviendra célèbre. Tristement, le poing tranché, des gouttes de sang sur le sol. Encore une gorgée d'alcool, encore un cachet. Les âmes chargées de son daron, entassées dans un sac de sport. Il se dirige vers son lycée pour inverser le score. Il arrive, pointe une première cible et là ça tourne au drame et la suite, elle fera la une des journaux. Et pourquoi vous... gosses d'ici, de là-bas, du bled, d'ailleurs, quartier difficile ou pas, je plaide. Qui est coupable quand ça tourne au drame, que le compare, y'a même des SOS dans les cordes, elles m'ont le temps. La réalité prend le dessus, les sens brûlent, paraît qu'ils s'en sortent.